مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية في النحو، محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوخ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب العطف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام حول النكرة والمعرفة. Le dernier cours était relatif aux choses qui sont définies et indéfinies. وأنا بيظهر كل الأشخاص اللي يبكيها رحمه الله تعالى المعرفة والنكرة ستمن باب الاستدراج، c'est-à-dire que المعرف رحمه الله تعالى lorsqu'il avait évoqué النعت il avait dit que parmi les أحكام de النعت c'est que le نعت est le منعود dans التعريف والتنكير qu'il soit défini il est défini qu'il soit indéfini il est indéfini. فاضطر المعرف رحمه الله تعالى ensuite il avait besoin de nous expliquer qu'est-ce que التعريف والتنكير. Sinon التعريف والتنكير c'est pas une chose qui rentre dans quoi, c'est pas une chose qui rentre dans مرفوعات من الأسماء، les choses qui sont مرفوعات. لكن il l'a évoqué c'était من باب pour complément pour compléter la faïda qu'il avait ramené par rapport au jugement du نعت. On avait pu voir que المؤلف رحمه الله تعالى il a évoqué que المعارف ils sont à la خمسة أشياء، il y en a 5. On a pu voir que الصحيح c'est qu'ils sont au nombre de 7. Et المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يمشي على طريقة الأولين، c'est-à-dire que il a évoqué une appellation dans laquelle rentre d'autres appellations ou plutôt d'autres catégories. Lorsqu'il a évoqué الاسم المبهم on a pu voir que الاسم المبهم يشمل الاسم الإشارة وكذلك الاسم الموصول. الاسم الموصول، donc là ça fait déjà 6. Et il n'a pas évoqué كذلك رحمه الله تعالى النكرة المقصودة. Lorsque tu dis Yarajulu, et Yarajulu min al-Rijal, lakin le fait que tu l'as appelé, ça le désigne, ça le définit. Donc ça, ça fait, c'est les 7 choses qui sont définies dans la langue arabe. Et la faïda de connaître ces choses-là, on a pu voir qu'elle est en relation avec le peuple qu'on appelle Atful Bayan. Parce que Atful Bayan, on va voir que son matbou', il faut qu'il soit, ou plutôt son tabi', celui qui vient après, celui qui vient exposer, celui qui vient l'éclaircir. Il faut qu'il soit beaucoup plus défini que son matbou'. Ça c'est pour ceux qui voient qu'il y a une différence entre عطف البيان والبدل. وإلا بعضهم يقولون لا فرق بين عطف البيان وكذلك بين البدل. نعم. فالمعارف ils sont nombre de 7. وأعرفها celui qui est plus défini c'est الضمير. Ensuite vient العلم. Ensuite vient al-ismu al-ishara. Ensuite vient al-ismu al-mansul. Ensuite vient al-muhalla bilam ou al-muharraf bi-al. Je dis lam bi-al. Ensuite vient al-nakara al-maqsouda. Et le septième en vérité, qui rentre dans chacun de ces paliers-là, qui est quoi? Al-mudaf ila hadhihi al-ashya. Le ism qui sera mudaf, il a dit al-ashya sitta. Donc en vérité, al-ma'arif est son nombre de quoi? De 6. Et son nombre de 6. Et le mudaf qui est annexé à l'une de ces 6 choses-là, on va le mettre dans la quoi? Dans le même rang, dans la même rutba que la chose vers laquelle il a été annexé. Fa'idha kana al-mudaf udhifa ila al-damir, il sera dans le même, pas dit que al-damir. Si jamais c'est ila al-alam, fa'ila al-alam wa ila ism ishara ila akhiri al-anwa'. Donc as-sahih c'est qu'ils sont en vérité au nombre de 6. والمضاف الى هذه الاشياء تمام الى ان كنت نمبر 7 يعني تتم تن الفائده والا يرانت تمام dans le même palier que le mot vers lequel l'annexé. واختلفوا العلماء علماء النحو est-ce que المضاف الى هذه الاشياء il est اعرف que la chose vers laquelle il est annexé ou bien il est moins défini que l'autre. Alors sahih c'est qu'il est moins défini tamam la sahih c'est qu'il est moins défini, c'est-à-dire que الضمير تمام il est défini تمام c'est le plus défini. الاسم مثلا الضمير انا عبد الله انا عبد الله فانا هنا شان ضمير تمام مثلا شيء مجدي نعم هذا كتابه تمام فكتابه الان الى ضمير متصل كي اكروشي نعم الى plutôt كتاب الى ضمير متصل كي lui a accroché فكتابه est-ce que il est اعرف que le ضمير تمام الصحيح c'est qu'il vient en dessous تمام il vient en dessous. Il est entre la première et la deuxième place. On peut dire cela un bis. Ou bien, si jamais c'est avec le halam, un deux bis. Si jamais c'est avec l'ismu shara, un trois bis, il a akhiri. Fahada huwa sahih. Et ils avaient pris comme argument al-hadith. Qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. Ensuite, il a évoqué que al-yad al-ulya, c'est le munfiqa. C'est le mu'atiya, c'est celle qui donne. Ou al-yad al-sufla, c'est celle qui reçoit. Donc il dit celui qui reçoit est en dessous de celui qui donne. نعم. الضمير on avait évoqué que sa définition ما دل على معين أو قبل ذلك المعرفة sa définition ما دل على معين أي une chose qui est définie والنكرة ما لم يدل على معين c'est son opposé تمام celui qui indique une chose qui est indéfinie والضمير son تعريف sa définition ما دل على معين بواسطة الخطاب أو التكلم أو الغيب تمام c'est celui qui indique une chose définie par le biais de al-khitab, le discours, ou bien at-takallum, la locution, ou bien al-ghaib, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas présente, ou bien qui est présente, à laquelle on parle, en son nom, comme on avait pu voir. Ensuite, il y a al-alam, on avait évoqué kazalika al-damir, il a des anwa, il peut être muttasil, il peut être munfasil, il peut être bariz, il peut être mustatir, il peut être marfou', il peut être manshoub, il peut être majrour. On avait évoqué l'ahkab par rapport à cela, ça c'est mimbab al-faïda. Lakin le plus important c'est connaître la définition. Ensuite on avait évoqué al-alam. Et al-alam c'est quoi? Madalla ala muayyan mutlaqan. Madalla ala muayyan mutlaqa. C'est celui qui indique une chose qui est définie. Yadullu ala muayyan, il indique une chose qui est définie sans intermédiaire. Au différent de ces autres catégories. Comme mathalan Mecca. Ça peut être un nom de ville comme kadalka, un nom propre. Abdullah. Ensuite l'ism ishara. Madalla ala muayyan biwasitati isharatin. C'est la chose qui va indiquer une chose qui est définie par le biais d'une ishara. Et on démontre. Et on a pu voir que, ensuite, al-ishara, tanqasimu ala qismay. Ensuite, on a pu évoquer les différentes catégories de l'ism ishara. Il peut être muzakkar, mufrad muzakkar, mufrad mu'annath, il peut être lil muthanna, tam hadan, hatan, ila akhrihi. Vient après, l'ism al-musul, huwa madalla ala muhayyan biwasitati jumla. Biwasitati jumla. Madalla ala muayyan, c'est la chose qui va porter le sens à une chose qui est définie par l'intermédiaire d'une phrase. Comme on a pu voir, ra'aytu alladhi kharaja min al-fasl al-an. Fa alladhi huna, c'est un ism mawsoul. Il est défini par l'intermédiaire de la jumla qui va venir après. Alladhi kharaja min al-fasl al-an. Si jamais on aurait enlevé cette jumla-là, khalas, il n'aurait plus le sens. Ja'a alladhi, et on se tait, ça n'a pas de sens. Mais si on dit ja'a alladhi kharaja min al-fasl, ça a un sens. Qala ba'da zalika, c'est quand on avait évoqué ism al-mawsoul. Ensuite al-mu'arraf bi al, on a pu évoquer que al-mu'arraf bi al, c'est celui dans lequel il y a le al qui est rentré dedans, wa yufid at-ta'rif, celui qui va porter, qui va désigner, qui va désigner, qui va porter cette fa'ida de qui va le rendre défini. Parce que on va voir inchallah que al, il est ala anwa', il a plusieurs catégories. Et celui qui est voulu ici, qui rend défini, c'est celui qui va rentrer dans une chose qui était quoi? Indéfinie. Ensuite, on a pu voir qu'il y avait des kalimas. Par exemple, il y a des choses comme rajulun. C'est une kalima qui est indéfinie. Hein. Si jamais tu rentres elle dedans, tam ar-rajulu devient défini. Comment il est devenu défini, c'est par l'intermédiaire du elle qui est rentré et qui l'a défini. Tam. Et tu as des elle qui rentrent dans une kalima qui est déjà définie. Tam. Une chose qui est déjà définie, elle ne peut pas être définie une deuxième fois. Comme il y a qu'un, c'est même pas tahsil hasil. Tu ne peux pas définir une chose qui est déjà définie. L'année, c'est déjà fait. Donc il n'y a pas besoin. Tam mathalan al-hasan, le elle dans hasan, tam, on ne dit pas que c'est muharrafa. On dit que Al-Hassan, Hassan plutôt c'est indéfini. Là, Hassan c'est défini et Al-Hassan, Katalika c'est défini. Le Al qui est entré dedans, est-ce qu'il lui a apporté à Hassan est-ce qu'il l'a défini? Il ne l'a pas défini. Il l'a pas défini. On appelle ça Al, Al-Zaïda, c'est-à-dire que lorsqu'il rentre, il n'apporte pas le sens du indéfini. Pas, n'am. Et n'am. Al-Muhalla bi Al ou Al-Muharraf bi Al, ma dalla ala mu'ayyan bi wasitati Al. Par l'intermédiaire de elle. Ensuite vient al-nakara al-maqsoula wa hiya allati tadullu ala mu'ayyan biwasitati an-nida, celle qui apporte, qui va l'apporter, yani qui va faire, qui va être définie par l'intermédiaire du nida. Ya rajulu, tam rajulu, pourquoi ils ont dit nakara? Parce qu'il est indéfini. Tam, la personne, comme ils citent souvent l'exemple de celui qui est avec, tam il dit ya rajulu, tam il écrit pour que quelqu'un, il sent, il y a une présence autour de lui, il veut que quelqu'un lui prenne la main et lui indique son chemin. Il dit Ya Rajulu. Le fait qu'il a dit Ya Rajulu, c'est Rajulu min al-Rijal. C'est une personne parmi les Rijal. Il ne le connaît pas, il est indéfini. Lakin, il est défini par rapport au fait que le fait qu'il a appelé, wa qasadahu, qu'il a voulu l'appeler par. Qui répond à son appel, eh bien, il devient défini. Par le biais de quoi? Du Nida. Ya Rajulu. C'est. Il vise bien une personne en bien en particulier, celui qui est autour de lui. Ya Rajulu khud bi yadi, prends ma main. Ensuite, celui qui est mudaf ila hadhihi al-ashya. Il avait évoqué Nakara, il avait dit Rahimullah ta'ala, qala kullu ismin sha'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. C'est une bonne définition. Nakara, comme qala Rahimullah ta'ala, c'est tout nom, sha'i'in fi jinsihi, dans lequel il peut rentrer dans le genre dans lequel il est. Il est apte à pouvoir entrer. Par exemple, un rajulun, et un rajulun min al-rijal. Il rentre dans la globalité des rijal. C'est un homme parmi eux. Un rajulun min al-rijal. Donc ça montre que c'est nakara, il est indéfini. Un parmi les autres. Qala wa la yakhtassu wahidun bi duna akhar. Il n'est pas, lorsqu'on dit rajulun, c'est un homme parmi les hommes, on n'a pas restreint. Un homme en particulier, lakin un homme parmi les hommes. Et il avait dit, rahimahou ta'ala, taqribuhu, comment tu fais pour le reconnaître? قال كل ما صالح دخول الالف واللام عليه. Il a dit tout ce que tu peux rentrer الالف واللام. Là, on avait rajouté qu'il fallait dire muharrifa, tam alif et lam, ou plutôt non, c'est mieux dire elle al muharrifa, celle qui va apporter le sens, yani qui va faire que la kalima va être définie, tam. Comme on a pu voir, c'est pas tout elle qui rentre dans une kalima qui fait qu'elle va devenir définie, tam. Al مثلا hasan, si on rentre dedans, c'est on suit la logique, tam, de son barbet qu'il a donné pour pouvoir reconnaître le ismu nakara, il te dit c'est celui que auquel tu peux rentrer elle, et ben c'est qu'il était indéfini. Hassan, je rentre le elle dedans, ça fait al Hassan. Est-ce qu'il était indéfini là? Hassan, c'est une personne qui est bien connue, donc il est défini. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter à la parole qu'il a ramenée, rahimahullah ta'ala, n'am qala taqribuhu kullu ma salaha dukhul al alif wal lam. Tu dis quoi? Al muharrafa, al muharrafa, celle qui va définir le mot dans lequel elle est rentrée. Comme il a évoqué, Ar-Rajulu Na'am. Enlève le L, Ay Ar-Rajulu Min Ar-Rijal. Un homme parmi eux. Al-Farasu, Ay Farasun Min Al-Faras. Un cheval parmi les chevaux. Donc ça, c'était la khulasa par rapport à ce qu'on avait pu voir la semaine dernière. Inch'Allah, on rentre dans le nouveau bab qui est Babu Al-Atf. C'est l'équivalent dans la grammaire française des conjonctions de coordination. Avec la fameuse phrase « Mais où est donc en écart ?» Donc ça, c'est un peu, il y a un équivalent de ces « Mais où est donc en écart ?» qui est dans la langue arabe. « فَقَالَ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَلَى قَالَ بَابُ الْعَطْفِ نَعْمُ وَذَكَرَ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا الْبَابُ الْعَطْفِ فِي مَرْفُوعَاتِ الْأَسْمَى. Parmi les noms qui sont marfou', parce que « الْعَطْفِ » il va être lié avec la chose qui vient avant lui. Si on met cette chose-là qui est avant lui, elle est marfou', et bien kazalika, tam la kalima qui va venir après, elle sera kazalika marfou'a. Tam sera kazalika marfou'a. C'est pour ça qu'il a évoqué dans Bab al-Atf. Lakin, terme l'atf, il faut savoir que c'est pas forcément, on le retrouve pas forcément que dans le marfou. On peut le retrouver dans le mansoub, on peut le retrouver kadhalika dans al majrur et kadhalika dans le majzum. Il va prendre le hukm de la kalima qui est avant lui. Lakin, étant donné que il se peut que avant le harf atf, comme on va le voir inchallah, il peut avoir une kalima qui est quoi, marfou'a. Donc forcément la chose qui va venir après ce atf là sera kadhalika marfou'a. C'est pour ça qu'il a évoqué dans ce bab qui est quoi, bab al marfou'ati min al asma, parce que min al ma'touf alayhi, celui qui suit le harf atf, il peut être kadhalika marfou'a. Qala rahimahullah ta'ala qala huruf al atf 10. Il nous dira que les huruf du atf, ils sont au nombre de 10. Wa as-sahih, ceux qui sont au nombre de 9. Mais inchallah, on va évoquer as-sawab limada. Qala wa hiya al-waw wal-fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la wa lakin wa hatta fi ba'd al-mawadi'. Naam. Il nous évoque rahmatullah ta'ala que les huruf al-atf, c'est ceux que je viens citer. Il a dit qu'ils sont au nombre de 10. Et comme j'ai évoqué, as-sahih, c'est qu'ils sont au nombre de 9. Mais celui qui n'est pas inclus dans le huruf al-atf, c'est quoi? Wa imma. Wa imma as-sahih, c'est quoi? C'est que c'est pas lui qui est harf al-atf. C'est pas lui qui fait la liaison entre le mot qui est avant lui et le mot qui est avant, qui est après lui. Lakin, c'est le waw. C'est pour ça qu'il a dit wa imma. Imma en lui-même, c'est pas harf al-atf. Lakin, c'est le waw qui va rentrer dans imma. Tu dis imma tadkhul. Imma tadkhul al-fasl wa imma takhruj min. Imma tadkhul al-fasl wa imma takhruj min. Soit tu rentres dans la classe ou soit tu en sors. Donc là on a évoqué le waw. As-sahih, c'est que c'est pas un harf atf. As-sahih, c'est pas un harf atf. Et il faut l'écrire. Ils sont au nombre de 9. As-sahih, c'est au nombre de 9. Tout ce qu'il a cité, lakin, il faut qu'on supprime quoi? Wa imma. Imma, il rentre pas dans harf atf. Lima sami'ta li anna al-hatif, celui qui lit entre les deux, c'est quoi? C'est le waw, c'est pas imma. فقال رحمه الله تعالى par rapport à son حكم قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. Les choses qu'il a évoquées رحمه الله تعالى, le waw والفاء وثم وأو وأم وبل ولا ولكن وحتى, il nous dit رحمه الله تعالى قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. Si jamais le mot qui est avant lui, avant ces حروف là, c'est une chose qui est marfou'a, كذلك la chose qui va venir après ces huruf là sera quoi marfou'a. مثلا جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَامِدٌ. جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَامِدٌ. فَحَامِدٌ هنا on appelle quoi, معطوف. Et le waw on appelle harf mu'atf. وَمُحَمَّدٌ, la chose à qui حامد il a été lié, on l'appelle quoi, معطوفٌ عليه, la chose sur laquelle on a lié. Le ma'toufun alayhi, il est quoi? Il est marfou'a, qui est Muhammad huna. Et la chose qui vient après un harf mu'atf, qui est le waw, et la chose qui vient après, c'est al ma'touf, qui s'appelle, yani, qui est hamid dans la phrase, dans l'exemple, eh ben, il peut être que marfou'a. Pourquoi? Parce que son ma'toufun alayhi, la chose sur laquelle on l'a lié, on l'a accroché, il est quoi? Il est kazalik marfou'a. Ja'a Muhammadun wa hamidun. Pourquoi hamidun il est marfou'a? Parce que Muhammadun il est marfou'a. Qu'est-ce qui a fait qu'il est marfou' comme lui? C'est le harf al-atf qui a lié entre les deux. Ja'a Muhammadun wa Hamidun. Dans ce bab-là, on évoque trois choses. Le ma'toufun alayhi, c'est-à-dire c'est la kalima qui va venir avant le harf al-atf. Ensuite, le atif, harf al-atf, le waw ou bien le fa, ou bien la chose qu'il a évoquée, les neuf. Et la chose qui vient après, on appelle quoi? Ma'touf. Quant à l'arabe, مثلاً, tu diras جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَامِدٌ جَاءَ فِعْلٌ مَاضِي مَبْنِي عَلَى الْفَتْحَ مُحَمَّدٌ فَاعِلٌ مَرْفُوع بِالْفِعْلِ وَعَلَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ ظَاهِرَةٌ فِي آخِرِهِ وَالْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ وَحَامِدٌ مَعْطُوفٌ وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الْمَرْفُوعِ مَرْفُوعٌ مِثْلُهُ. C'est comme ça que tu procéderas par rapport à l'arabe. Tu diras par rapport au ma'touf, la kalima qui va venir après le waw ou bien après le harf al-atf, tu diras ma'touf marfou', ma'touf et il est marfou', wa al-ma'touf 'ala al-marfou' marfou'un mithluhu. Et la chose qui est liée à une chose qui est marfou', eh ben sera marfou' comme lui, comme c'est le cas ici, ja'a Muhammadun, il est marfou' wa hamidun. Ensuite le na'am, il dit rahmallahu ta'ala aw mansoubin nasabta. Na'am, si jamais il est mansoub, كذلك nasabtahu. مثلا si jamais on dit Naam, ra'aytu Muhammadan wa Hamidan. Ra'aytu Muhammadan wa Hamidan. Ta'am la même i'arab. Ra'aytu fi'lun maadi mabni 'ala sukun li'ittisalihi bi damir muttasil mutaharrik fi mahall raf' fa'il. Muhammad maf'ul bihi mansub bil fi'l wa 'alamat an-nasb bihi al-fatha adh-dhahira fi akhirih wal waw harf 'athf wa Hamidan ma'tufun ومنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. تمام. La chose qui est liée à une chose qui est منصوب sera منصوب comme celle qui est liée à elle. تمام. نعم قال أو على مخفوض خفضت. نعم. Et si jamais كذلك, la chose qui est avant ce harf عطف, تمام, c'est une chose qui est مجرور. كذلك المعطوف sera quoi? Il sera مجرور. مرنت بمحمد وحامد. مرنت بمحمد وحامدين فحامدين هنا لكوا مجرور كمحمدين. Pourquoi? Parce que il y a un عطف entre les deux, il y a une liaison entre les deux, on a lié l'un à l'autre. Donc le معطوف va prendre le même jugement que le معطوف عليه, le معطوف qui est حامد et le معطوف عليه qui est محمد. Par les arabes la même chose. مرنتو tu dois faire le ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير المتحرك في محل رفع فاعل. Muhammadin, نعم, جاء بمحمد الباء حرف جر محمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره والواو حرف عطف محمد معطوف مجرور والمعطوف على المجرور مجرور مثله. Ça c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'Arab. قال أو مجزوم جزمت كذلك. Si jamais on trouve une chose qui est مجزوم, c'est-à-dire ça ne peut être que les أفعال. كذلك لا شوز كي سورا لي ا لوي دون لو جوجمون تام اي سورا كذلك مجزوم. تام مثلا شمت دي لا تسرق وتكذب. لا تسرق وتكذب فلا هنا تام لا الناهيه بو انترديكسيون جازمه اهم مجزوم سكي بيان بخ. تام وتسرق فعل المضارع مجزوم بلا وعلامه جزمه السكون. تام وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تسرق أي أنت والواو حرف عطف وتكذب نعم وتكذب فعل المضارع مجزوم. تمام. أي لمعطوف معطوف مجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله. تمام. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ramener la ici. تمام. La jumla ici lorsqu'on dit لا تسرق وتكذب, faut pas comprendre que c'est on est en train de dire ne vole pas ne vole pas aimant. Là lorsqu'on dit لا تسرق وتكذب ne vole pas et ne ment pas. On n'a pas besoin de le ramener là, mais c'est pourquoi? Parce qu'on a lié takzib, le fi'l mudari' takzib, on l'a lié à quoi? À tasriq. Donc le fait qu'on a lié entre les deux, avec le wawu atf, donc il y a une liaison entre les deux, donc ils vont prendre le même jugement au niveau de l'arabe. Donc si jamais il est majuzum, il sera kadalik à majuzum. Donc si jamais tasriq il a été majuzum billa al-nahya, kadalika, takzib il sera majuzum billa al-nahya. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le ramener. On n'a pas besoin de le ramener là, monsieur. قال رحمه الله تعالى قال تقول قام زيد وعمر. نعم. زيد فاعل مرفوع. C'est un معطوف عليه. والواو حرف عطف. وعمر معطوف. Donc là, le معطوف il est مجرور il est مرفوع. والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. قال رأيت زيدا وعمرا. رأيت زيدا وعمرا. نعم. فعمرا هنا il est منصوب. Pourquoi? Parce qu'il est ma'touf. C'est lui qui a été l'intermédiaire qui lui a permis d'être mansoub. Pourquoi? Parce qu'il y a Zayd qui est quoi mansoub? Ra'aytu Zaydan, il est mansoub. Et il y a un waw qui est venu pour lier entre les deux dans le même jugement. Donc là, ils vont prendre kadalika le même hukm au niveau de l'i'rab. Il sera mansoub, mithluhu. Tu diras Amrun, un peu temps Amra, ma'touf un mansoub, ou un mansoub, ala al mansoub, mansoub, mithluhu. Qala marantu bi Zaydin wa Amrin. Marantu. بزيد وعمر. نعم مرنت بزيد هنا زيد سيكل معطوف عليه إلى مجرور والواو وواو العطف وعمر معطوف على زيد تامل معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور مثله. قال وزيد لم يقم ولم يقعد. زيد لم يقم ولا ولم يقعد. زيد نسني نفي نسني أسين. نعم. فهنا تم لم يقعد كذلك لكوا لكن لا سبب دشكتا باسكو اون ديرا كو لام هنا تم لي مجزوم بلم تم بتو تقعد الى مجزوم بلم تم الى مجزوم بلم باسكو لوسكون دي زيد لم يقم كيسكي لا روندو مجزوم سلم ولم يقعد qu'est-ce qu'il a rendu مجزوم سلم كذلك تمام si jamais il aurait dit زيد لم يقم ويقعد نعم فها هنا كذلك تمام on aurait dit la même chose c'est-à-dire que il aurait été مجزوم par le biais qu'il a été quoi معطوف تمام et la phrase aurait été alors le même sens que زيد لم يقم ولم يقعد lorsque tu dis زيد لم يقم ولم يقعد كذلك c'est le même sens si on aurait dit زيد لم يقم ويقعد parce qu'on a quoi on a lié يقعد avec لم يقم et vu que لم يقم c'est une jumla qui est منفية négative كذلك يقعد on n'a pas besoin de ramener لم il sera كذلك منفي donc ça c'est par rapport il y a le charh ijmali d'une vue d'ensemble de ce qu'a ramené al-mu'allif wa rahimahullah ta'ala donc en résumé c'est que حروف العطف ils sont au nombre de 9 تمام et ils auront la fonctionnalité de lier entre les choses qui la chose qui est venue avant elle et la chose qui vient après elle au niveau du jugement on va voir inchallah et kazalika au niveau de l'i'rab au niveau des arabes tamam et نعم donc si jamais le marfou le ma'touf alayhi kazalika le ma'touf sera marfou si jamais le majrour majrour mansoub mansoub majzoum majzoum tamam et d'une vue yani plus détaillée à la sabel et tafsil tam par rapport aux huruf atf tam il a évoqué 9 plutôt il a évoqué 10 on a dit as-sahih c'est son nombre de quoi de 9 fa il a évoqué au début rahimahullah ta'ala le waw on va évoquer inchallah al-an l'essence de ces huruf là et les ahkam de ces huruf là parce que c'est pas tout ces huruf là qui vont avoir la viabilité d'être quoi des huruf atf tam il y a des shurut pour certains de ces harouf. Donc on va les évoquer, inshallah, au tabarak wa ta'ala. Fa'amma al-waw, tam, le waw, on va voir, il a plusieurs sens. Lakin le waw al-atf, tam, c'est celui, yadullu ala mutlaq al-jam'. Tam, yadullu ala mutlaq al-jam', bayna al-ma'touf wa al-ma'touf alayhi. Il vient pour apporter que la chose, le ma'touf alayhi wa al-ma'touf, ils ont été liés dans un même jugement. Tam, mutlaqan. Sans qu'il y en a un qui a précédé l'autre ou bien l'autre qui est venu après, laquelle on sait que les deux ils ont fait la même action. Ça me dit مثلا جاء محمد وحامد donc le waw là il va nous apporter comme sens que Muhammad et Hamid ils sont venus. Tam ishtaraku fi al-hukm alladhi huwa al-maji. Tam ils ont été associés dans le même jugement qui est quoi le fait qu'ils sont venus. Lorsqu'on dit جاء محمد وحامد est-ce que une personne peut venir par rapport à ma parole et déduire que Hamid n'est pas venu c'est impossible parce que le waw yufid mutlaq al-jam' que les deux ils ont été unis associés dans le même jugement qui est quoi ici le fait qu'ils soient venus donc ça c'est ma'na al-waw idha kanat 'atifa lorsqu'elle est harf 'atf c'est qu'elle apporte le sens de quoi du mutlaq al-jam' pourquoi on dit mutlaq al-jam' c'est-à-dire qu'ils ont été associés dans le même jugement ils sont liés dans le même jugement لكن pourquoi on a dit mutlaqan c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est venu après l'autre ou bien l'autre qui est venu après lorsqu'on dit ja'a muhammadun wa hamidun le fait qu'on a commencé par Muhammad ça veut pas dire que c'est Muhammad qui est venu en premier il se peut que ce soit Hamid لكن j'ai évoqué de cette manière là un tel et un tel sont venus même en français lorsque tu dis Muhammad et Hamid sont venus ça veut pas dire que Muhammad il est venu avant Hamid c'est-à-dire que les deux sont quoi ils sont venus fakad dans les cas dans l'arabe ja'a muhammadun wa hamidun les deux sont venus et là yadul ala anna muhammadan jaa qabla hamidin ça n'importe pas ce sens là c'est pour ça qu'ils ont dit mutlaq al jam' c'est qu'ils sont unis dans le hukm ensuite il a évoqué na'am rahimahullah ta'ala il a évoqué al fa kadhalika c'est comme le waw c'est-à-dire yufid al musharaka que al ma'touf wal ma'touf alayhi ils sont liés dans le même jugement jamais مثلا je dis jaa muhammadun fa hamidun et Muhammad et Hamid ils sont venus lakin avec le fa yufid al-tartib wa al-ta'qib al-tartib c'est-à-dire qu'il y en a un qui est venu avant l'autre au différent du waw le waw là yufid al-tartib ils montrent pas qu'il y a au niveau de la chronologie ils montrent pas qu'il y en a un qui est venu avant l'autre amma le fa na'am lorsque tu dis ja'a Muhammadun fa Hamidun et Muhammad il est venu avant qui il est venu avant Hamid le fa il apporte ce sens de quoi qu'on appelle al-tartib la chronologie c'est-à-dire que il est venu juste après lui. Ja'a Muhammadun fa Hamidun et la venue de Hamid par rapport à la venue de Muhammad, il y a eu entre les deux un petit instant. Ils appellent ça une muhla yasira. Lakin ça c'est l'asl. Lakin tu peux trouver maintenant dans le Coran des fois, l'exemple, je n'ai plus dans le Coran, là, il y a un exemple qu'ils ont cité, où tu vas trouver le fin, al-atifa, lakin, ce ne sera pas bima'na al-muhala al-qalila, lakin une grande muhala. Comme ils ont dit, mathalan, hamalat al-mar'atu fa wada'at. Hamalat al-mar'atu fa wada'at. Lorsque tu dis fa wada'at, ma'ruf, afin qu'elle accouche, il faut un délai. 9 mois, ça dépend pour certaines femmes, yani, ça dépend. Lakin, c'est un. Et une montée qui est longue, c'est une montée qui est longue. Al-Asl, yani fil fa, c'est que ça apporte le tartib, la chronologie, et qu'al-Valika, ça apporte le sens de quoi ? Qu'il y a une muhala au niveau de la venue de l'un par rapport à l'autre, il y a eu un instant. Il est venu, il y a eu un instant. Ça, c'est l'Asl. Lakin, qad yufid, que l'un est venu beaucoup, bien après l'autre. Qad yufid hada. Et qu'al-Valika, le summa. Summa qu'al-Valika, comme le waw, wal-fa, yufid al-musharaka fil-hukm. Qu'ils ont été associés dans la même action. Jaa Muhammadun thumma Hamidun. Cette phrase-là indique que les deux sont venus. Muhammad et Hamid, ils sont venus. Donc on ne peut pas avoir une autre déduction que cela. Muhammad et Hamid, ils sont venus. Lakin thumma yufid al-tartib. Yufid al-tartib. Qu'il y en a un qui est venu après l'autre, qui est Muhammad, il est venu avant l'autre, plutôt. Il y en a un qui est venu après l'autre, il y en a un qui est venu après, c'est Hamid. Il y en a un qui est venu avant, qui est Muhammad. ويفيد التراخي يفيد التراخي c'est-à-dire que entre les la venue des deux tam il y a eu un grand instant tam il y a eu un grand moment tam fa summa par rapport à fin ils ont le même sens au niveau de la chronologie lakin un il évoque que l'autre est venu juste après et l'autre qui évoque qu'il est venu bien après tam fa al farq bayna qawli jaa muhammadun fa hamidun wa jaa muhammadun thumma hamidun les deux sont venus lakin il y en a un kadhalika les deux sont venus. Kadhalika Muhammad, c'est lui qui est venu en premier. Hamid, dans les deux phrases, c'est lui qui est venu en deuxième. Lakin, dans la première phrase qui est Dia Muhammadun fa Hamidun, Hamid il est venu juste après. Et dans Dia Muhammadun summa Hamidun, Muhammad plutôt Hamid, il est venu bien après. Kadhalika, il a évoqué, rahimahullahu ta'ala, Naam, il a évoqué Aw. Kadhalika Aw, min huruf al-atf. Min huruf al-atf. Et Aw, il apporte plusieurs sens. Il peut avoir le sens du at-takhir, c'est-à-dire qu'il va laisser le choix. Il va laisser le choix, ça c'est si jamais aw yani waqa'a ba'da jumlatin talabiyya. Tam après une phrase qui est dans laquelle il y a le sens de l'ordre, tam ou bien de la demande. Mathalan tazawwaj hindan aw ukhtaha. Marie-toi avec Hind ou bien avec sa sœur. Tam là c'est min bab at-takhir. Il est en train de lui donner le choix. Tu as le choix de te marier soit avec elle ou soit avec l'autre. Tam fa quand est-ce qu'il va avoir ce sens-là de tahir, qui va porter le sens de il a le choix, lorsque aw, il va venir après une jumla qui est quoi talabiyya, dans laquelle il y a le sens de quoi de la demande, tam, comme la demande ou bien l'ordre, tam, la recommandation il a khirihi, tam. Enfin, lorsque tu dis, مثلا, huna tazawaj, tam tazawaj, huna c'est quoi? C'est une recommandation, tam, hein? Donc c'est un talab, tam, c'est une demande, tam, une forte demande. Fa tazawaj hinda, aw ukhtaha, fa aw huna sera le sens de quoi? Ça a le sens du tahir, yani, c'est-à-dire tu as le choix. Et par rapport à l'arab, tazawwaj, tam fi'lun amr mabni 'ala as-sukun wa hind wa fa'iluhu mustatir wujuban taqdiruhu anta wa hindan maf'ulun bi mansub bi tazawwaj yani bil fi'l wa 'alamat nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhiri aw harfu 'atf. Ukhtaha ma'tufun 'ala hind. Ukhtaha ma'tufun 'ala hind wal ma'tufu على المنصوب منصوب مثلهم تمام فالان هندا الى كو الى منصوب دونك سكي va venir après كي اختها كذلك il peut être que منصوب تمام c'est faux de dire تزوج هندا او اختها تمام ça c'est une erreur تمام pourquoi هند il est منصوب et اختها il peut être que منصوب كذلك تمام comme il avait évoqué رحمه الله تعالى dans le début il a dit lorsqu'il est منصوب il est منصوب تمام donc là le معطوف عليه il est منصوب. Donc le ma'touf, il faut qu'il soit kadhalika mansub. C'est une faute de dire tazawwaj hinda wa ukhtuha ou bien aw ukhtaha. Ça c'est une khata. Tu dis wa ukhtaha. Parce qu'il est ma'touf, hala, mansub et le mansub. Il faut qu'il soit mansub comme lui. Kadhalika, si jamais le aw il vient après al-talab, il peut avoir le sens de quoi? Al-ibaha. Tu lui autorises une chose. Tu lui autorises une chose. Naam. Jalis as-salihina aw al-ulama. Jalis. الصالحين أو العلماء فها هنا تام أو هنا c'est بمعنى يعني tu lui laisses le choix تام tu peux même t'asseoir avec les deux تام tu peux t'asseoir avec les deux أما التخير c'est tu prends l'un pas l'autre تام مثلا تزوج هند أو أختها tu peux pas prendre les deux تام لا يجوز de se marier avec deux sœurs femmes. C'est impossible. Hein? Donc ça peut être que at-takhir. Amal ibaha, c'est quoi le farq entre les deux? Al ibaha, c'est que tu peux, t'as le choix. Soit jamais, si tu veux, tu prends les deux. Si jamais tu veux, t'en délaisses un et tu prends l'autre. Amal at-takhir, tu prends l'un et tu prends pas l'autre. T'es obligé. Al ibaha, on a jalis as-salihin aw al-ulama'a aw al-ulama'a. Fa on a l'ibaha, yani tu l'autorises. Soit il fait les deux, il s'assoit avec les pieux et catholique avec les ulama, et les ulama c'est les pieux. Et soit il s'assoit avec les pieux, ou bien soit il s'assoit avec les ulama comme il veut. Tu lui laisses le choix. Tu lui laisses le choix. Fait catholique, on a déjà Alice, Ferlun, Amr, Mabina al-Sukun, Wafa'iluhu, Mustatir, Mujuban, Takdirhu, Anta. Salihi, Mafrun Bihi, Mansour, Bi Al-Fir, Walamatu, Nasbihi, Al-Ya, Li'annahu, Jam, Mudakar Salim, comme on l'a pu voir, le Jam Mudakar Salim, lorsqu'il est. منصوب إلى منصوب avec le ya أو حرف عطف العلماء tu diras معطوف منصوب على الصالحين والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. Le fait qu'il est, il a été lié, accroché à une chose qu'il est منصوب, il faut qu'il soit كذلك منصوب. C'est pour ça qu'on a dit جالس الصالحين أو العلماء. العلماء c'est une faute de dire أو العلماء أو de dire أو العلماء. C'est un خطأ. قال ensuite la évoqué quoi رحمه الله تعالى donc là كذلك أو يعني يعمل مطلقة تمام il n'a pas de شروط. Il avait évoqué quoi ensuite il avait évoqué أم نعم أم إلى على نوعين إلى على نوعين plutôt متصلة ومنقطعة. متصلة c'est une chose qui est liée, ومنقطعة c'est une chose qui n'est pas liée. تمام c'est pareil. المتصلة تمام c'est à dire c'est la chose. تمام c'est à dire que le أم la chose qui est avant et après ils sont متصل au niveau du معنى. C'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre afin que la jumla soit compréhensible. Mathalan, si jamais je dis Abdullahi fiddar am akhuhu. Abdullahi fiddari am akhuhu. Fa ha huna, on appelle ça quoi? Aw huna muttasil. Pourquoi muttasil? Parce que c'est simple. C'est-à-dire ce qui vient après, il est lié à ce qui vient avant dans le sens. Et comment tu sais qu'il est muttasil, ce qui vient après ne peut pas se séparer de ce qui est avant, si jamais tu enlèves ce qui est avant, et ben ça n'aura pas de sens. Akhou. Si j'enlève Hamdullah, Fiddar et M, ça n'a plus de sens. Akhou. Ça n'a plus de sens. Donc là on voit que c'est quoi? On appelle ça M muttasil. Pourquoi? Parce que ce qui vient après, il est muttasil fil ma'na ma'ma qablahu. Si jamais tu enlèves ce qui est avant, il n'y a plus de sens. Akhou. Et كذلك تم par rapport seulement mais à منصوب تم أرأيت عبد الله في الدار أم أخاه تم الآن أخاه il sera منصوب parce que عبد الله il est منصوب. La même chose c'est le même مجرور. أمرت بعبد الله أم أخيه. Est-ce que tu es passé à côté de عبد الله ou bien tu es passé à côté de son frère? فكذلك أم هنا plutôt يعني ce qui vient après M, il sera quoi? Majorur. Parce que ce qui est avant lui, il est majorur. Ou al munqata'a, comme on a pu voir, c'est celui, ce qui vient après, il peut se passer de ce qui est avant lui. Il peut se passer de ce qui est avant lui. Mathalan, qu'on dit subhanahu wa ta'ala, hal yastawi al-a'ma wal-basir. M, hal yastawi al-zulumat wal-nur. Est-ce que son ego, celui qui est aveugle et celui qui est voyant, celui qui voit, ou est-ce que son ego, l'obscurité et la lumière, là on appelle ce amla munqati'a. Pourquoi? Parce que yanqati'a, il n'a pas besoin de ce qui est avant. Mathalan, la phrase, plutôt l'aïe, on la répète, hal yastawi al-a'ma wal-basir. C'est une phrase qui est compréhensible. Am hal yastawi al-zulamat wal-nur. Si jamais j'enlève mathalan ce qui est avant, hal yastawi al-zulamat wal-nur. C'est une phrase qui est compréhensible. C'est-à-dire que quoi? Il n'a plus, il n'a pas besoin de lui, ce qui est avant lui, afin qu'il soit compris. C'est pour ça qu'on appelle munqati'a. Il est séparé, il se passe de ce qu'il y a avant lui. Et ça sera bima'na, le am là, il sera bima'na, bima'na bel. Bima'na bel. Je répète, lorsqu'il sera muttasil, ça sera bima'na aw, yani comme aw, am comme aw. Et lorsqu'il sera munqati', ça sera bima'na bel. Parce qu'on dit, hal yastawi al-a'ma, plutôt lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, hal yastawi al-a'ma wal-basir. أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء؟ dans le sens du verset c'est quoi؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ بل هل يستوي الظلمات والنور؟ بل جعلوا لله شركاء؟ Ensuite, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, donc on a pu voir que imma, terme imma, en vérité, terme, c'est pas un harf atf. Lakin, ce qui rend, il y en a le harf atf, c'est le waw, c'est pas imma. Donc celui-là, on n'a pas besoin de l'évoquer parce que as-sahih, c'est pas un harf atf. Il a évoqué, rahimahullah ta'ala, ba'da, bel. Nam wa bel, c'est bimana al-idrab. Al-idrab, c'est de faire, il y en a comme si la chose que tu avais évoquée avant bel, comme si jamais tu ne l'avais jamais dit. Comme si jamais tu n'avais jamais dit, on appelle ça al-idrab. C'est-à-dire, ja'al al-masbouq fi hukmi al-maskout. Mettre la chose que tu as évoquée avant bel, comme si jamais elle n'existait plus. Comme si jamais tu ne l'avais pas prononcé. C'est ce qu'ils appellent al-idrab. C'est-à-dire que, yannika annaka tadrib biha. Comme si jamais, on ne dit pas frapper la kalima, mais comme si jamais tu l'avais jeté. Comme si jamais tu l'avais jeté. Tu t'en étais débarrassé de cette parole-là. Naam. Mathalan, tu dis Qama Sulaym, bal Khalidun. Qama Sulaym, bal Khalidun. Tu dois te rattraper. Qama Sulaym, bal Khalidun. C'est pas Sulaym qui s'est levé, lakin c'est quoi? C'est Khalid. Yani, tu veux faire comme si jamais la chose que tu as évoquée avant n'existait pas. Qama Sulaym, bal Khalidun. C'est pas Sulaym qui s'est levé, lakin c'est quoi? C'est qui? C'est Khalid. Sulaym ne pas, c'est pas lui qui s'est levé. C'est comme yani al-idrab, yani fahimtum al-an avec l'exemple. Qama Sulaym bal Khalidun. C'est qui s'est levé? C'est Khalid. Pourquoi on a ramené bal? Parce qu'on s'est trompé, on veut mettre cette phrase là comme si jamais elle n'existait pas, tamam? Bal, on va utiliser bal. On appelle ça al-idrab. Et ça, il aura le معنى de l'idrab lorsque tam yaqa ba'da un kalam qui est quoi? Muthbat. Après une phrase qui est quoi? Affirmative. Comme c'est le cas ici. Qama Sulaym. C'est une phrase qui est affirmative. On n'a pas apporté le sens de la négation. Qama Sulaym. Sulaym s'est levé. Bal Khalidun. Pour que, lorsque tu veux rectifier une chose, c'est-à-dire faire comme si jamais tu ne l'avais jamais dite, il faut que ce bal-là, il vient dans la phrase qui est quoi? Ce qui est avant lui, il faut que ce soit une phrase qui soit idiabiya, comme ils disent, une phrase affirmative. Comme l'exemple, Qama Sulaymun, bal Khalidun. Si on fait l'arabe, Qama fi'alun mardi, mabin ala al-fatha. Wa Sulaym. فاعل مرفوع بقام بالفعل وعلم ترفعه الفتحة الظاهرة في آخره وبال حرف عطف وخالد نعم معطوف على معطوف مرفوع على سليم كي مرفوع والمرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله إلى شوز كي معطوف عن شوز كي مرفوع أسرع كذلك دون جوجمون au niveau des arabes مرفوع comme cette chose là qui l'a précédé et ça c'est la معنى الأول. Le معنى ثاني de bel, c'est quoi? Al-istidrak. C'est un peu le même sens, tamam? Lakin, ils évoquent l'istidrak lorsque c'est quoi? Bel, il va venir après quoi? Une jumla qui est quoi? Manfiya. Ou bien une jumla qui est manhiya. Dans une phrase, dans le contexte qui est quoi? La négation ou bien l'interdiction. Tamam? Si je dis, lam yakum Sulaymun, bel Khalidun. Tamam? Là, tu veux rectifier. Tamam? Là, tu veux rectifier une chose que tu as nié. Tamam? Une chose que tu as nié. Ah, le premier, c'est de supprimer une chose que tu as affirmée. Tam, qama Sulaymun, bal Khalidun, là je veux supprimer. Tam, une chose que j'ai affirmée. Tandis que l'autre, si jamais c'est une jumla avant bel qui est manfiya ou bien manhiya, interdiction vers la négation, tam, je veux rectifier la chose que j'ai quoi? Que j'ai niée. Lorsqu'il a dit, lam yakum zay Sulaym, il a apporté que Sulaym ne s'est pas levé. Tam, il s'est trompé, il veut se rectifier, on va ramener quoi? Le bel. Tam, il dira quoi? Lam yakum Sulaymun, bel. Khalidun, c'est qui s'est levé? C'est Khalid. Le sens, c'est un peu la même chose, sauf que, au niveau du sens, on va l'appeler idarab si jamais la chose qui est avant belle, c'est une phrase affirmative. Et on va l'appeler istidarab si jamais la chose qui est avant belle, c'est une chose qui est quoi? Manfiya, négation, ou bien manhiya, une interdiction. Et ça a la merna de ma, yani M-A-I-S. Naam. Et celui-là, il a une condition. Tam bel, afin qu'il soit un harf atr, il a une condition qui est quoi? Une seule condition, c'est que ce qui vient, yani le ma'touf, la chose qui vient après bel, il faut que ce soit une kalima qui est mufrada. Une kalima, lorsqu'on dit mufrada, c'est une chose qui n'est pas une jumla. Si jamais c'est une jumla, khalas, il n'aura plus ce sens de harf et tout ça. Il faut que la kalima qui vient après bel, ce soit mufrada, comme c'est le cas ici. Khalid, c'est mufrada, ce n'est pas une jumla, ni c'est une jumla ismiya, ni c'est une jumla qui est quoi? Qui est fi'liya. Donc dans ce cas-là, na'am, ça sera un harf'at. Si jamais ce qui vient après bel, c'est une jumla, soit fi'liya, ou bien soit une jumla qui est ismiya, en aucun cas on va l'appeler harf'at, on va juste l'appeler harf istidrak. Harfu istidrak, ou bien harfu idrab, bas. Lakin ce ne sera pas harf'at. C'est-à-dire que au niveau de l'i'rab, on ne va pas prendre en considération, la chose qui est avant lui pour la chose qui est après lui pour lui donner le même i'rab. Dans ce cas-là, on ne prendra pas ça en considération du terme. Si je dis مثلا قام سليمان ما جاء سليمان بل جاء زيد. هنا on va pas l'appeler harf atf. On va pas l'appeler harf atf, on va l'appeler harf istidrak bas. Et ça a le même sens. C'est juste au niveau de l'i'rab. Chacun aura son i'rab. Ce qui est avant Bel aura son i'rab et l'autre il aura son i'rab. Si jamais ce qui vient après Bel, c'est pas un mufarrad, c'est-à-dire si jamais c'est une jumla. Naam. Ensuite, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, après le Bel, il a évoqué la. Naam. Il a évoqué la. Et là, kazalika, ça fait partie des huruf atf. Lakin, bishurut. Il y a des shurut qui sont en relation avec le ma'touf et en relation avec ce qui vient avant le harf atf qui est là. Et les shurut qui sont en relation avec le ma'touf, il faut que la kalima qui vient après le la, il faut qu'elle soit mufarada. Comme kazalika, il ne faut pas que ce soit une jumla, ni une jumla fi'liya, et ni kazalika, une jumla qui est quoi? Ismiya. Et il faut que la chose qui vient avant le la, ce soit soit une jumla qui est ijabiya, c'est-à-dire que affirmative, ou bien une jumla qui soit amriya, dans laquelle il y a un ordre. Comme, مثلا, si jamais je dis, جاء محمد لا حامد. نعم جاء محمد لا حامد. تمام فهنا لا ce sera un harf atf. Toutes les conditions sont requises. La première c'est que ce qui vient après là c'est mufrad. C'est une chose qui s'inglie, c'est-à-dire c'est pas une jumla et ni c'est une ni une jumla qui est fi'liya bien une jumla qui est quoi qui est ismiya comme c'est le cas ici. جاء محمد لا حامد. جاء محمد لا حامد. حامد هنا c'est pas une jumla ni fi'liya et ni كذلك une jumla qui est ismiya. Et la chose qui est avant lui, avant le là, c'est une jumla qui est quoi? Qui est ijabiyya, affirmative. Ja'a Muhammadun. Jumla manfiya ou bien ijabiyya? Ijabiyya. Ça porte le sens de l'affirmation. On a affirmé que Muhammad il est venu. Là, Muhammad, plutôt j'ai dit quoi? Ja'a Muhammadun la Hamidun. Là, c'est mimbab et tawkid. Pour bien informer que c'est Muhammad qui est venu et non pas Hamidun. Kazalika, si jamais c'est. Un amr, tam. Utlub al-akhira, utlub al-akhirata la ad-dunya. Utlub al-akhira la ad-dunya, tam. On va prendre un exemple dans lequel les arabes ils voient mieux, parce que dunya, les arabes dedans il est muqaddar, tam, il est sous-entendu. Donc on va prendre un autre exemple, mathalan. Naam, utlub al-ilm, on va dire, tam. Utlub al-ilma lal-mal. Utlub al-ilma lal-mala, tam. Instruis-toi dans la religion, yani, prends la science et pas, yani, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire que ta préoccupation première, il faut qu'elle soit l'étude de la science et non pas de remplir tes poches. اطلب العلم لا المال. فهنا كذلك الله هنا c'est quoi حرف عطف. Des conditions sont requises. Pourquoi? Ce qui vient après, il est mufarad, c'est pas une jumla, ni fi'liya wa ni ismiya, c'est juste une kalima qui est quoi? Mal. Et ce qui est avant lui, c'est une jumla qui est quoi? Amriya, dans laquelle il y a une demande. Utlub al-ilma, utlub, c'est un fi'l amr. Donc c'est une jumla qui est quoi? Amriya, dans laquelle il y a le sens de la demande, de l'ordre. Là, c'est un harf atf par deux conditions. La première condition, an yakuna al-ma'touf mufrada. Ay, laysa bi jumla, wala, yani laysa bi jumla, la jumla fi'liya, wala jumla ismiya. Wa anna alladhi qablahu, la budda an yakuna jumlatan. Ijabiya ou amriya. La jumla qui est avant lui, soit c'est une jumla qui est quoi? Ijabiya affirmative, ou bien une jumla qui est quoi? Amriya. Une jumla qui est quoi? Amriya. Si tu veux, tu diras khabariya ijabiya et talabiya amriya. Pour ceux qui connaissent un peu plus dans le balagha. Et si jamais l'une des conditions n'est pas requise, que ce soit pour la chose qui vient après, ou bien la chose qui vient avant le la, on sera obligé de ramener le quoi? Le waw. Et le atf, il aura lieu avec le waw et non avec le la. مثلا شيء مش عمل إن جملة أخرى لا تمسيج دي مثلا أطلب العلم عند أهل السنة والجماعة ولا تطلب العلم عند أهل البدع والفرقة أطلب العلم عند أهل السنة والجماعة ولا تطلب العلم عند أهل البدع والفرقة étudie la science auprès des gens de la sunna et non auprès des gens de la bid'a. فلا هنا on est obligé de ramener le waw. Pourquoi? Parce que ce qui vient après là, malgré que ce qui vient avant lui, c'est une jumla qui est quoi? Amriya, dans lequel il y a un ordre. Qui est quoi? Utlub al-ilm inda ahl sunnati wal jama'a. Wala tatlub. Amma ce qui vient après, elle a peur qu'il a la condition qui est qu'il faut que la kalima soit mufrada. Là, on a ramené une jumla qui est arida, c'est une longue jumla. On a dit wala tatlub al-ilma 'inda ahli al-bid'i wal furqa. Tout cela, c'est une jumla qui est fi'liya. Pourquoi? Ça commence par un fi'l. Wala tatlub. On est obligé de dire waouh. On ne peut pas dire là dans la phrase, مثلا, utlub al-ilm 'inda ahli as-sunnati wal jama'a, la tatlub al-ilm 'inda ahli al-bid'i wal furqa. Ça, c'est une khata dans nahw. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui n'a pas été requise. Tu es obligé de ramener la waouh là. Tu ne peux pas dire utlub al-ilm 'inda ahli as-sunnati wal jama'a, la tatlub al-ilm 'inda ahli al-bid'i wal furqa. C'est interdit de dire ça. C'est une khata. Celui qui dit ça, c'est une khata, c'est un lahn. C'est un lahn. Tu es obligé de ramener la waouh parce que la condition n'a pas été requise. Et il reste le dernier, plutôt il y en a encore deux, non, je n'avais pas vu. Il reste lakin. Plutôt il y a lakin et il y a hatta. Lakin, kazalika. Ça peut être un harf ou atf. Lakin, avec des conditions. Kazalika, la première condition, c'est que al-ma'touf, il soit mufrad, comme avec la. C'est-à-dire que c'est ni une jumla, c'est pas une jumla fi'aliya, et ni kazalika, une jumla qui est quoi fi'aliya ou bien ismiya. Ou an takuna masbouqatan bi nafyin wa nahyin. Il faut qu'elle soit quoi? Précédée d'une négation ou bien d'une interdiction. Dans ce cas-là, il aura le sens, et kazalika, qu'elle soit pas liée avec le waw. Donc trois charges. Premier chart, c'est que le ma'touf, ce qui vient après l'akin, ce soit un mufrad. Ni une jumla fi'liya, ni une jumla qismiya. Deuxième condition, qui est avant le l'akin. Il faut que la jumla, ce soit une jumla manfiya, ou bien une jumla qui est quoi? Manhiya. Interdiction, ou bien la négation. Et il ne faut pas que l'akin soit lié avec le waouh. Si les trois conditions-là sont réunies, le sens de l'akin, il aura le sens de al-istidrak, c'est-à-dire ma, M-A-I-S. مثلا si jamais tu dis ما نجح خليل لكن نبيل خليل n'a pas réussi لكن mais نبيل يعني il a réussi. Donc dans ce cas là là نعم لكن ce sera un حرف عطف في الاعراب وجرى ما تم حرف النفي لا محل له من الاعراب نجح فعل ماضي مبني على الفتحه وخليل فاعله مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره لكن حرف عطف نبيل معطوف على خليل ou plutôt ma'touf marfou' ala khalil wal ma'touf ala al marfou'i marfou'un mithluhu. Naam. La chose qui est ma'touf à une chose qui est marfou', elle sera kazalika marfou' comme celle qui l'a précédée. Tam khalil, il est quoi le marfou'? Fa nabilun kazalika le marfou'. C'est une khata de dire ma najaha khalilun lakin nabilan. Ça c'est une khata. Pourquoi? Parce que nabilan, pourquoi il est mansoub? Il n'a pas de chose qui lui permet d'être mansoub dans ce cas-là. Parce que khalilun, c'est la chose qui est quoi? Avec lequel il est lié, et il est marfou, il est marfou. Donc là, les trois conditions sont réunies. Le ma'touf, qui est nabil, c'est pas une jumla, ni smiya ou la fi'liya. Avant la jumla, plutôt avant l'akin, c'est une jumla qui est quoi, manfiya. Ma najaha. Ou maintenant, je me dis, la tusahib, mubtadi'an, lakin sunniya. Ne fréquente pas les gens de la bid'a, plutôt un mubtadi'an, lakin fréquente quelqu'un qui est sur la sunna. Fréquente quelqu'un qui est sur la sunna. Les conditions sont requises. Après, lakin, c'est une kalima qui est mufrada, qui est quoi? Sunniya. Et ce qui est avant lui, c'est une jumla qui est quoi? Nahiya. Manhiya plutôt. Donc il y a une interdiction. La tusahib, ne fréquente pas. Et il n'est pas lié avec le waw. On n'a pas dit la tusahib mubtadi'an walakin sunniyan. Si jamais on ramène le waw, le at, il va être effectué par le waw. Il va être effectué par le waw. Et non pas par lakin. Donc lakin, il a trois conditions. Il a trois conditions. La première des conditions, c'est que ce qui vient après, il est mufrad. Ce qui vient avant lui, il faut que ce soit une jumla qui soit manfiya ou bien manhiya. Et il ne faut pas qu'il y ait le waw. Et si jamais Rafon, le waw, il se présente avec lakin, ce sera une jumla qu'on appelle ibtida'iya, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de relation à ce qu'il y a avant. Comme ça, Inch'Allah, on le verra dans un autre bab. Inch'Allah, plutôt dans un autre kitab. Le dernier qui est quoi? Hatta. Qala hatta fi ba'd mawadi'. Parce que hatta, il a plusieurs sens. Lakin, celui qui évolue, celui qui est un harf ou atf, par rapport à hatta, comme ce hatta-là, il marche avec des conditions. Et lorsque toutes ces conditions-là seront requises, il aura la même ma'na que le waw, le fa et thumma. C'est-à-dire, al-musharaka fi al-hukm. Que les deux se sont associés dans le jugement. Ja'a Muhammadun wa Hamidun. Ils se sont associés dans le même jugement que le fait qu'ils sont venus. Ja'a Muhammadun fa Hamidun ila akhiri. Ils se sont associés dans le même jugement. Fa kadhalika hatta, il aura le même sens que ces hurufs-là, le waw, le fa et thumma. lakin avec des conditions qui se doivent d'être requis afin qu'il ait le même sens, c'est-à-dire al-musharaka, et que ce soit un harf wa'at. Parmi les shurut, ils ont évoqué trois. An yakun al-ma'touf isman zahira. Il faut que ce soit un ism qui est zahir. On a pu voir qu'est-ce que al-ism al-zahir. Comme مثلا Muhammad, comme Abdullah et l'akhiri. Un ism qui est zahir. C'est-à-dire que ce n'est pas un mudmar. Ce n'est pas un mudmar, ce n'est pas un damir. Ce n'est pas un pronom. Et ce n'est pas un ism mu'awwal. Celui qui est interprété avec an et un fi'l mudhari. Ism zahir ma'ruf. Muhammad ou Abdullah, les noms qui sont ma'ruf, singuliers. قال le premier, ça c'est la condition, la première condition, ان يكون المعطوف اسما ظاهرا تم مثلا نعم يموت الناس حتى الانبياء يموت الناس حتى الانبياء les gens vont mourir et même les انبياء تم et même les انبياء تم يموت الناس حتى الانبياء فهنا une des conditions il est requis, c'est quoi? C'est que le معطوف c'est un اسم ظاهر qui est quoi? انبياء تم ici on fait l'i'rab يموت فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما راح نتخوفك الى هجوم منصوب لي مجزوم فرصه كون ديك المرفوع وفاعله فيتون لا سيكون ناس نعم يموت الناس والناس فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الفتحه الضمه ظاهره في اخره حتى حرف عطف والانبياء معطوف مرفوع على الناس والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله لا شوز كي لي على شوز كي مرفوع اسرع مرفوع كما سل كي لا بريسيدي كما سل كايتي جاء او بلتو يموت الناس حتى الانبياء سما تدي يموت الناس حتى الانبياء ساس لحن سن خطا وكذلك يموت الناس حتى الانبياء سن خطا باسكو الي معطوف على الناس الناس لمرفوع دونك انبياء دو اتر اوسي كذلك مرفوع نعم لا دوزيام كونديسيون داك سي لا بروميير كي كوا ان يكون معطوفا على اسم ظاهر La deuxième condition, il faut que ce soit une partie de ce qui est avant lui. Il faut que le ma'touf soit une partie, un élément de la chose qui est avant lui, qui est le ma'toufun alayhi. Mathalan, si tu dis, A'jabani aliyun hatta thawbuhu. Ali m'a plu, et même au point même que son vêtement kadalika m'a plu. Si on fait la traduction approchée de cette phrase-là. أعجبني علي حتى ثوبه فالثوب هنا تم سنجوز من علي أو كنجوز من le fait qu'il le porte que ce thob soit sur Ali tam, c'est comme si jamais c'était une partie de Ali أما si jamais je dis أعجبني مثلا مثلا مخاص أعجبني علي حتى حقيبته تم فها هنا حتى il n'aura pas le sens de quoi il n'aura pas le sens de حرف عطف تم ce sera un حرف ابتداء on va voir inshallah ça تم c'est une autre chose tam. C'est comme si jamais c'était une nouvelle phrase qui débutait tam. Ça c'est Inch'Allah, à voir dans d'autres livres. Juste retenez que il faut que la chose qui vient après, c'est-à-dire le ma'touf, en plus qu'il soit un ism zahir, il faut que ce soit un juz'un ou quel juz' min al-ma'touf alayhi. Que ce soit un élément, un membre de ma'toufun alayhi, ou bien la chose qui soit telle que le membre. Et la troisième condition, an la yakuna al-ma'toufu jumlatan. Il ne faut pas que ce soit une jumla. En plus que ce soit un ism zahir, comme on a pu en fait, j'ai évoqué dans la première condition, il ne faut pas que ce soit une jumla. Parce que parmi les ism zahir, on a pu voir, il y a un qasim ou la qismi. Tu as l'ism sarih, Muhammadun, et tu as l'ism mu'awwal. مثلا, on dit subhanahu wa ta'ala, wa antasumu khayrun lakum. Fa huna, antasumu, c'est un ism mu'awwal. Parce que an, comme on a pu le voir, avec le fi'al mudari' alladhi yadkhulu alayhi, c'est comme si c'était interprété comme un masdar. C'est-à-dire que c'est comme si c'était dit en dehors du Coran, siyamukum. خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ c'est comme si on s'était dit صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَصِيَامُ c'est quoi c'est un ism لكن est-ce que c'est un ism صريح c'est pas un ism صريح c'est un ism qui a été quoi interprété avec an et le fi'l mudari' donc le حتى pour soit حرف عطف il faut pas que le ism ظاهر qui vient après il faut pas que ce soit une jumla il faut que ce soit une jumla c'est-à-dire ni fi'liya et ni kadhalika ismiya si jamais c'est le cas Eh bien, on ne va pas l'appeler harf ou atf, on va l'appeler harf ou ibtida, chose que, inshallah, vous allez voir dans un autre kitab. Donc, on réitère les conditions de hatta, il en a trois. Ces trois conditions, c'est que le ma'touf, ce soit un ism zahir, et que ce soit kazalik, en deuxième condition, un juz, ou bien quel juz min. Et la troisième condition, il faut que ce soit, faut pas que ce soit une jumla. Il ne faut pas que ce soit un jumla. Donc, ça, c'est le résumé. par rapport à ce cours-là qui est bab al-atf, terme qui est un bab qui est vraiment important, terme qui est vraiment important, car il est vraiment beaucoup utilisé. Et la meilleure des mises en pratique, c'est de lire le Coran, et à chaque fois que tu vois un harf al-atf, terme, comme on a pu voir, il y en a qui marchent avec des conditions et d'autres qui marchent sans conditions. Terme le waou, le fa, thumma, au, naam, kadalika, m, naam. Il marche sans condition, tam. Amal le reste, bel, la, walakin, wahatta, il marche avec des conditions, tam. Donc tu regardes, est-ce que les conditions ont été requises, tam, il a khiri, c'est même bab le tamarin, la mise en pratique, tam, dans les arabes, pour être bon, inshallah, dans le nahou, il faut mettre en pratique, tam. Lorsque tu lis une chose, et lorsqu'on dit il faut lire une chose, tu lis les choses dans lesquelles il n'y a pas de khata, tam. C'est-à-dire le Coran, et kaza lesquels la sunna, tam. Amma, les kutub, il y en a des, certaines personnes, ils peuvent faire des fautes, il y en a par rapport à cela, tam. L'exercice, il se fait sur les choses dans lesquelles, bien sûr, qu'il n'y a pas de khata, tam, au niveau de la grammaire, c'est-à-dire le Coran, et kaza lesquels, la sunna, tam. La sunna, kaza lesquels. Donc, ça, c'est, inshallah, c'est le résumé par rapport au cours. En espérant, inshallah, qu'il a été profitable. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. S'il y a des questions par rapport au cours, sinon on se contente de cela. Et le prochain cours, inshallah tabaraka wa ta'ala, jeudi prochain 11h, et ce sera al-usul min ilm al-usul bab al-ijtihad de Cheikh al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Naam. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.